1 Cloverfield Lane, c'est une adresse. C'est l'adresse d'un bunker qu'Howard a fabriqué avec l'aide d'un jeune ouvrier. Howard est adepte des théories du complot, il croit dur comme fer à une attaque chimique des Russes ou à une invasion alien. Michelle, qui vient de quitter son fiancé, s'enfuit sur une route déserte. Elle se fait percuter par une voiture et se réveille dans ce bunker au 10 Cloverfield Lane. Elle rencontre alors celui qui l'a apparemment enfermé là, Howard, qui lui explique qu'il l'a sauvée et que dehors, c'est l'apocalypse et qu'elle doit vivre ici, avec lui et Emmett, le jeune homme qui a aidé à construire ce bunker. Donc ça, c'est le pitch de ce film. Donc je vais essayer de pas trop en dire, pour pas trahir la volonté de J.J. Abrams, le producteur, car à l'heure d'Internet et de l'information à grande vitesse, ce tournage a su rester secret. Donc c'est vraiment incroyable, à tel point que le monde a appris l'existence de ce film avec une bande-annonce très mystérieuse, à peine 2 mois avant sa sortie en salle. C'est incroyable quand on sait que J.J. Abrams est probablement le producteur le plus exposé de ces derniers mois puisqu'il est le réalisateur du dernier Star Wars. Et pourtant, il y a 2 mois sortait sur nos petits écrans la bande-annonce de 10 Cloverfield Lane. On ne l'avait pas vu venir et c'est pourtant l'un des meilleurs films de ce premier trimestre 2016. On est vite mis dans l'ambiance, l'accident de Michelle arrive dès les premières minutes, on est étouffé par une caméra présente à l'intérieur de la voiture, on suffoque au milieu des pneus qui crissent et du verre qui se brise. Cette scène, en plus de bénéficier d'un traitement sonore horriblement sublime, est montée avec un générique de début terriblement silencieux. C'est vrai. Le ton du film est donné, on ne va pas respirer pendant 1h40. Le réalisateur choisi pour ce projet est complètement inconnu du cinéma, c'est Dan Trachtenberg, et je pense qu'on peut retenir son nom même s'il est difficile à dire, parce qu'il maîtrise entièrement son sujet. Sa mise en scène est nerveuse mais précise. Et je pense que le choix de Bill McCreary à la musique est très judicieux. Il est familier de la science-fiction, parce qu'il a signé aussi les bandes originales de Battlestar Galactica et de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Il utilise ici des violons, à la fois poétiques et oppressants, pour nous balader dans les pensées de l'héroïne, Michelle, qui ne sait plus sur quel pied danser face à son ravisseur, qui dit être son sauveur, ou son sauveur qui a des allures de ravisseur. Au final, on ne sait pas, et elle non plus. Le trio de comédiens est omniprésent. John Gallagher Jr. qui joue le jeune ouvrier est touchant et attachant, mais c'est John Goodman et Marie-Elisabeth Winstead qui crèvent l'écran. Goodman, avec sa silhouette imposante et sa voix grave, est aussi rassurant qu'inquiétant. Il maîtrise à la perfection ce rôle que ni l'héroïne ni le spectateur n'arrivent à cerner. Il oscille sans cesse dans nos cœurs entre le gentil et le méchant. Marie-Elisabeth Winstead est complètement à contre-emploi. D'habitude, elle joue des rôles girly, plutôt fades, comme dans Boulevard de la Mort ou dans les derniers Die Hard. Mais Michelle est une femme indépendante qui se découvre une force intérieure dont elle ignorait l'existence. Au fil du film, elle s'affirme, elle grandit, elle devient puissante et ne se laisse jamais abattre. C'est une vraie héroïne féminine. Comme on aime le voir au cinéma, n'est-ce pas, Floriane ? Oui. Tu l'as vu, Floriane ? Oui, j'ai beaucoup aimé. En conclusion, 10 Cloverfield Lane est un mélange parfait d'angoisse, de science-fiction et de thriller, mais aussi avec beaucoup d'humour. Le dernier acte est très court, il peut surprendre, mais il est très punchy et fidèle surtout au style de J.J. Abrams. Il est à la frontière de la série B et c'est vraiment jouissif. J'ai pas vraiment parlé au final du contenu du film, c'est volontaire. Je pense qu'il est très intéressant de le découvrir comme ses créateurs l'ont souhaité, dans le mystère le plus total. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est puissant, c'est dérangeant et c'est terriblement stressant. C'est un film sur toutes nos angoisses, toutes nos peurs et tous nos doutes. Et comme j'en parlais au début de ma chronique, c'est aussi un film sur les regrets. Les regrets qu'on a quand on est face à notre vie. L'héroïne en a, des regrets. Mais elle nous prouve qu'on est tous capables de choses incroyables et qu'il suffit juste de croire en soi. Waouh, ça donne envie. Et courez voir ce film. Ça fait flipper alors.